Genèse chapitre 48. Or il arriva, après ces choses, que l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Et on fit savoir à Jacob, et on lui dit, « Voici Joseph, ton fils, qui vient vers toi. » Alors Israël s'efforça, et se mit en son séant sur le lit. Puis Jacob dit à Joseph, « Le Dieu fort, Tout-Puissant, s'est apparu à moi à Lu, au pays de Chanaan, et m'a béni, et il m'a dit, « Voici, je te ferai croître et multiplier, et je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta postérité, après toi, en possession perpétuelle. Or maintenant tes deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que j'y vinsse vers toi, sont miens, Ephraïm et Manassé seront miens, comme Ruban et Siméon. Mais les enfants que tu auras après eux, seront à toi, et ils seront appelés selon le nom de leurs frères en leur héritage. Or, quand je venais de Padan, Rachel me mourut au pays de Chanaan, en chemin, n'y ayant plus que quelques petits espaces de pays paix, pour arriver à Ephra, et je l'enterrai là, sur le chemin d'Ephra, qui est Bethléem. Puis Israël vit les fils de Joseph, et il dit, « Qui sont ceux-ci ? » Et Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Et il dit, « Amène-les-moi, je te prie, afin que je les bénisse. » Or les yeux d'Israël étaient appesantis de vieillesse, et ils ne pouvaient voir, et il les fit approcher de soi, et les baisa et les embrassa. Et Israël dit à Joseph, « Je ne croyais pas voir jamais ton visage, et voici, Dieu m'a fait voir et toi et tes enfants. » Et Joseph les retira d'entre les genoux de son père, et se prosterna le visage contre terre. Joseph donc les prit tous deux, et mit Ephraïm à sa droite, à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui, et Israël avança sa main droite, et la mit sur la tête d'Ephraïm, qui était depuis né, et sa main gauche sur la tête de Manassé, transposant ainsi ses mains de propos délibérés, car Manassé était l'aîné. Et il bénit Joseph, en disant, « Que le Dieu devant la face duquel mes pères Abraham et Isaac ont vécu, le Dieu qui me paie depuis que je suis au monde jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a garanti de tout mal, bénisse ses enfants, et que mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac soient réclamés sur eux, et qu'ils croissent en nombre comme les poissons, en multipliant sur la terre. » Et Joseph voyant que son père, mettait sa main droite sur la tête d'Ephraïm, en eut du déplaisir, et il souleva la main de son père, pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm, sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Ce n'est pas ainsi, mon père, car celui-ci est l'aîné, mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père le refusa, en disant, « Je le sais, mon fils, je le sais. Celui-ci deviendra aussi un peuple, et même il sera grand. Mais toutefois, son frère, qui est plus jeune, sera plus grand que lui, et sa postérité sera une multitude de nations. » Et en ce jour-là il les bénit, et dit, « Israël bénira, prenant exemple en toi, Élisa. N.T., Dieu te fasse tel qu'Ephraïm et Manassé. » Et il mit Ephraïm devant Manassé. Puis Israël dit à Joseph, « Voici, je m'en vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et vous fera retourner au pays de vos pères, et je te donne une portion plus qu'à tes frères, laquelle j'ai prise avec mon épée, et mon arc sur les Amoréens. »